je dormais. Pourquoi tu ne me laisses jamais dormir? Je me sentais seul. J'ai fait un rêve. Ne le raconte pas. Je rêvais que... Ne le raconte pas. Celui-ci te suffit? Il n'est pas gentil, Lily. À qui veux-tu que je raconte mes cauchemars privés, sinon à toi? Je reste privé, tu sais bien que je ne supporte pas ça. Il y a des moments où je me demande si on ferait pas mieux de se quitter. Tu n'irais pas loin. Ce serait là, en effet, un grave inconvénient. N'est-ce pas, Didi, que ce serait là un grave inconvénient, étant donné la beauté du chemin et la bonté des voyageurs. N'est-ce pas, Didi? Du calme. Les Anglais disent « calm ». Ce sont des gens « calm ». Tu connais l'histoire de l'Anglais au bordel? Oui. Raconte-la-moi. Assez. Un Anglais s'étant enivré se rend au bordel. La sous-maîtresse lui demande s'il désire une blonde, une brune ou une rousse. Continue. Assez. Vladimir sort. Estragon se lève et le suit. Mimique d'Estragon analogue à celle qu'arrache aux spectateurs les efforts du pugiliste. Vladimir revient, passe devant Estragon. Tu voulais me parler? Tu avais quelque chose à me dire? Dis. Tu n'as rien à te dire! Tu es fâché? Pardon. Voyons, Didi. Donne ta main. Embrasse-moi. Laisse-toi faire. Tu pues l'ail. C'est pour les reins. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On attend. Oui, mais en attendant. Si on se bandait. Ce serait un moyen de bander. On bande? Avec tout ce qui s'ensuit? Là où ça tombe, ils poussent des mandragores. C'est pour ça qu'ils crient quand on les arrache. Tu savais pas ça? Pendons-nous tout de suite. À une branche? Je n'aurais pas confiance. On peut toujours essayer. Essaye. Après toi? Ben non, toi d'abord. Pourquoi? Tu pèses moins lourd que moi. Justement. Je ne comprends pas. Réfléchis un peu, voyons. Je ne comprends pas. Je vais t'expliquer. La branche. La branche. Mais essaie donc de comprendre. Je ne compte plus que sur toi. Gogo léger. Branche pas cassée. Gogo mort. Didi lourd. Branche cassée. Didi, seul. Tandis que... Je n'avais pas pensé à ça. Qui peut le plus, peut le moins. Mais est-ce que je pèse plus lourd que toi? C'est toi qui le dis, moi je n'en sais rien. Il y a une chance sur deux. Ou presque. Alors quoi faire? Ne faisons rien. C'est plus prudent. Attendons voir ce qu'il va nous dire. Qui? Godot. Voilà. Attendons d'être fixés d'abord. D'un autre côté, on ferait peut-être mieux de battre le fer avant qu'il soit glacé. C'est curieux de savoir ce qu'il va nous dire. Ça ne nous engage à rien. Et qu'est-ce qu'on lui a demandé, au juste? Tu n'étais pas là? Je n'ai pas fait attention. Eh bien... rien de bien précis. Une sorte de prière. Voilà. Une vague supplique. Si tu veux. Et qu'a-t-il répondu? Qu'il verrait. Il ne pouvait rien promettre. Il lui fallait réfléchir. À tête reposée. Consulter sa famille. Ses amis. Ses agents. Ses correspondants. Ses registres. Son compte en banque. Avant de se prononcer. C'est normal. N'est-ce pas? Il me semble. À moi aussi. Et nous? Plétine? Je dis, et nous? Je ne comprends pas. Quel est notre rôle là-dedans? Notre rôle... Prends ton temps. Notre rôle... Celui du suppliant? À ce point-là? Monsieur a des exigences à faire valoir. On n'a plus de droit. Tu me ferais rire si ça m'était permis. Nous les avons perdus. Nous les avons bazardés. On n'est pas liés. Hein? Écoute! Je n'entends rien. Moi non plus. Tu m'as fait peur. Mais j'ai cru que c'était lui. Qui? Godot. Bon, le vent dans les roseaux. J'aurais juré des cris. Mais pourquoi crierait-il? Après son cheval. Allons-nous-en. Où? Ce soir, on couchera peut-être chez lui, au chaud, au sec, le ventre plein, sur la paille. Ça vaut la peine qu'on attende, non? Pas toute la nuit. Il fait encore jour. J'ai faim. Mets une carotte. Il n'y a pas autre chose? Il doit y avoir quelques navets. Donne-moi une carotte. Merci. C'est un navet. Oh, pardon, j'aurais juré. Une carotte. Tout ça, c'est des navets. T'as dû manger la dernière. Attends, ça y est. Voilà, mon cerf. Prends-moi le navet. Fais-la durer. Il n'y en a plus. Je t'ai posé une question. Ah. Est-ce que tu m'as répondu? Elle est bonne, ta carotte? Elle est sucrée. Tant mieux, tant mieux. Qu'est-ce que tu voulais savoir? Je ne me rappelle plus. C'est ça qui m'embête. Délicieuse, ta carotte. Attends, ça me revient. Alors? On n'est pas lié. Je n'entends rien. Je demande si on est lié. Lié? Lié. Comment lié? Pied et poing. À qui, par qui? À ton bonhomme. À Godot? Lié? À Godot, quelle idée! Jamais de la vie! Pas encore! Il s'appelle Godot? Je crois. Tiens. C'est curieux. Plus on va, moins c'est bon. Pour moi, c'est le contraire. C'est-à-dire? Je me fais au goût, au fur et à mesure. C'est ça le contraire? Question de tempérament. De caractère. On n'y peut rien. On a beau se démener. On reste ce qu'on est. On a beau se tortiller. Le fond ne change pas. Rien à faire. Veux-tu la finir?